Des succès sont enregistrés sans cesse dans les travaux de relèvement des régions sinistrées de la province du Ramgyong du Nord. À l'arrondissement de Yeonsan, les militaires de l'armée populaire et les membres des troupes de choc font dans leur dernière étape le plâtrage de l'intérieur et de l'extérieur et les travaux de couverture des maisons de plus de 2800 foyers, en même temps que la pose d'un dol, système de chauffage de la chambre à la coréenne, et l'établissement du réseau d'électricité. À la ville de Faedong, grâce aux efforts des militaires de l'armée populaire, les travaux de construction des habitations de 1760 foyers et des bâtiments publics, y compris une dizaine d'écoles, jardins d'enfants et crèches, touchent à leur fin. Les hommes des forces populaires de l'intérieur ont achevé en 25 jours la construction des maisons de 56 foyers dans la commune d'Obon de l'arrondissement de Musan et hâtent la construction d'une clinique dans sa dernière étape. Le comité de l'enseignement a envoyé déjà aux écoles de ces régions bon nombre de manuels et de livres de référence, plus de 10 000 appareils de laboratoire et des réactifs. Et il vient d'y envoyer encore plus de 35 000 pièces de matériel didactique et beaucoup d'instruments de musique et de sport et des matériels de jeu.